On revient avec le chroniqueur des affaires numériques, Raymond Poirier, sur l'événement LAGIC 2017 qui s'est déroulé au Centre des congrès de Québec. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors, il a été question du phénomène connu sous l'appellation Industrie 4.0. Exact. En fait, l'idée est un peu au fil de la journée de montrer et de faire prendre conscience peut-être des avancées, des évolutions à venir, des tendances à surveiller dans la sphère du numérique. Et évidemment, pour les 1750 quelques personnes qui étaient présentes au Centre des congrès de Québec mardi dernier, c'était une des thématiques qui semblait les préoccuper, en fait, d'ailleurs, belle salle pour cette conférence. Et essentiellement, on a essayé justement d'emblée peut-être d'écrire un peu, présenter la nature de la bête, si on peut dire. Donc, qu'est-ce que l'industrie 4.0? Évidemment, on le sait, c'est l'ajout de technologies pour favoriser la gestion, pour favoriser l'organisation, pour favoriser le travail à l'intérieur des entreprises. Et il y a Jacqueline Dubé du Suffrio qui était sur place pour répondre peut-être à la question, à savoir si le Québec est déjà un peu là, si déjà l'industrie 4.0 est bien présente dans notre province. Et essentiellement, ce qui en est ressorti, c'est que il y a encore beaucoup de pas à faire pour le Québec pour vraiment dire qu'on est là, qu'on est rendu à l'étape 4.0. Il y a à peu près 75% des entreprises qui n'ont pas encore amorcé leur processus de numérisation, si on peut dire. On parle au niveau manufacturier de peut-être 64% qui investissent moins de $50,000 annuellement dans le domaine du numérique. 84% des petites entreprises qui font de même également. Alors, on dit, il y a peut-être un enjeu de ce côté-là, dans la mesure où les entreprises ici n'ont pas encore saisi, si on peut dire, l'intérêt de cette transformation-là, dans un contexte où la compétitivité va se faire peut-être sur d'autres paramètres dans l'avenir, dans le futur. Évidemment, au niveau des coûts et autres, mais également des processus industriels. Alors, il y a évidemment cette préoccupation-là. Eux ont donné quelques exemples d'entreprises qui ont réussi justement à faire cette transition, parce qu'il y en a, évidemment. Et dans un contexte où on a peut-être l'impression que l'un des gros manques, ce serait la notion de culture numérique. Donc que les gens savent un peu, connaissent l'idée de la machine, mais ne savent pas nécessairement bien l'utiliser ou bien cerner ses possibles et son potentiel. Alors, ce qu'on dit, c'est il y a donc cet enjeu-là. Il faut créer une certaine curiosité peut-être au Québec face à ça, parce que si on est en retard, on n'est plus là. Donc à terme, éventuellement, ça risque de causer d'autres enjeux, d'autres problèmes qui sont peut-être un peu plus importants que ceux qui sont vécus actuellement dans le contexte de transition. Il y a Jean-Yves Roy de l'INO qui est venu abonder un peu dans le même sens d'ailleurs, et qui disait que les technologies d'aujourd'hui qui transforment l'entreprise aujourd'hui, ça fait des années évidemment qu'elles existent, mais elles connaissent aussi une explosion quand même qui est relativement récente, et que dans certains domaines, l'explosion est encore à venir. Donc il donnait l'exemple de l'internet des objets et de la robotique avancée. Il disait d'ici 2025, ça va être des marchés à l'échelle internationale de 12 000 milliards de dollars. Ah oui. Donc ça sera pas de la petite bière. Alors évidemment, faut être là, lui dire, regardez, il faut travailler ensemble, il faut aller plus vite que ce qu'on va présentement, et il faut vraiment se douter d'une chaîne d'innovation qui fonctionne, qui marche. Il y a la rectrice de l'Université Laval qui est venue nous expliquer un peu l'évolution au niveau des emplois. Elle disait, elle a comparé ça à un tsunami, en fait, le numérique, en disant, on peut dire c'est une quatrième ou cinquième grande révolution industrielle, et chaque grande révolution industrielle, c'est un peu comme une vague. Donc, la vague va mettre à terre certains éléments, et ce qui va être assez solide pour rester va rester en place et va bénéficier, dans le fond, d'une grande croissance. Parce qu'à chaque grande transformation industrielle, il s'est accompagné d'une grande création d'emplois. Évidemment, faut être debout pour en profiter. Si on n'est pas debout, c'est fini. Et donc, ce qu'elle disait, c'est qu'on a souvent l'idée que, la révolution numérique, on va enlever des emplois. Elle dit, dans les faits, il y a peut-être 10% des emplois qui sont véritablement, on pourrait dire, menacés. Ou on pourrait dire qu'au terme de la vague, ces emplois-là n'existeront plus. Point. À ça, on ajoute un 50% d'emplois qui, elle disait, vont changer de façon significative. Donc, des emplois en informatique, en technologie, en comptabilité, en enseignement et autres. Donc, il y en a une pléiade comme ça d'emplois qui vont se transformer par le numérique, mais qui vont quand même exister. Donc, faut s'assurer que les gens sont prêts à faire cette évolution-là. Et parallèlement, il y a d'autres emplois qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont être créés avec cette vague-là également, parce que chaque vague va amener de nouveaux besoins, de nouvelles spécialités. Alors, elle dit, mais dans le fond, le défi, c'est de bien se préparer à ça et d'aller chercher les bonnes compétences pour former les travailleurs, pour que les travailleurs puissent être en mesure de manœuvrer à l'intérieur de ce monde-là qui est en constant changement. Alors, elle parlait, par exemple, de littératie numérique, d'être capable de regarder les problèmes, d'envisager des solutions, d'avoir des compétences sociales, travailler en équipe, d'avoir d'intelligence et des compétences situationnelles, d'être adaptatif, d'avoir des capacités de leadership. Donc, des éléments comme ça qui vont permettre aux gens, comme je le disais, d'apprendre à apprendre. Et à ça, bien évidemment, ça implique aussi le développement de nouveaux outils collaboratifs et pédagogiques. Évidemment, il est question d'Internet. Ce matin, je faisais référence à cette nouvelle qui annonce 290 millions de dollars pour brancher des nombreux foyers en région. C'est pas encore réussi, là. C'est pas encore fait. On n'est pas encore à jour. En fait, sur bien des enjeux, il y a encore du chemin à faire. Et le chemin est autant une question de volonté, de capacité d'innovation, si on peut dire, qu'une volonté, une capacité de culture d'organisation, que de culture tout court, au bout du compte. Quand on en vient à parler d'éducation, mais c'est l'idée, dans le fond, d'intégrer la notion d'innovation, la notion de numérique à l'intérieur du système pour préparer les jeunes à ces outils-là. Évidemment, ensuite, il y a aussi ceux qui sont déjà dans le système de l'emploi qu'il faudra aller chercher à différents degrés. Mais il y avait un panel assez intéressant, justement, sur l'éducation. Enfin, on disait, pour un Québec leader en éducation, donc après l'industrie, voir un peu comment on peut appliquer les principes de l'intégration du numérique et comment ça peut faire évoluer, dans le fond, la profession d'enseignant. Alors, ce qu'on disait globalement, c'est qu'il y a des tendances qui sont à surveiller là au niveau de l'idée, ben, comme le disait Mme Damour dans l'autre conférence, dans le fond, dans l'idée d'apprendre à apprendre. Donc, on est conscient que les paramètres qu'on enseigne vont tendre à évoluer. Donc, il faut apprendre aux jeunes et aux gens en général à travailler à l'appréhension de paramètres, plutôt que d'être pris à l'intérieur de certains paramètres dans lesquels ils ont appris à fonctionner. Il faut apprendre aux gens à toujours être capable d'aller chercher de nouvelles informations, toujours être capable de s'auto-former d'une certaine manière, donc de créer des réflexes, de créer des éléments de référence, de créer des aptitudes qui vont leur permettre d'apprendre à apprendre et de pouvoir s'adapter au bout du compte. Donc ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Et à ça, ben on dit, ben d'un côté, on va aussi redéfinir les espaces d'apprentissage. Donc si on vise à apprendre, ben faut que l'apprentissage soit peut-être un peu plus actif que passif, donc la classe inversée par exemple, donc où on intègre rapidement les éléments donnés par l'enseignant dans une perspective de collaboration, donc des nouvelles pratiques pédagogiques qui sont déjà intégrées dans certaines écoles par ailleurs. On parle évidemment de grands défis aussi à tout ça, donc comment évidemment redéfinir les expériences d'apprentissage de manière favorable pour tous, tenter de mieux ancrer la littératie numérique, comment repenser le rôle de l'enseignant. Comment soutenir l'éducation en pédagogie également à l'intérieur du système actuel. Donc tout ça est évidemment à réfléchir dans un contexte où en plus la vitesse technologique et donc l'obsession du gadget va quand même assez rapidement. Il faut aller évidemment au-delà de la technologie comme gadget également. Donc l'idée, c'est pas d'apprendre en utilisant le numérique, c'est d'apprendre à travers le numérique à apprendre. Parce que, comme on le dit, les technologies de l'avenir ne sont pas nécessairement encore présentes. Il y a une question générationnelle là-dedans aussi. Je veux dire, les jeunes générations n'ont pas nécessairement besoin de faire tous ces apprentissages-là, puisqu'ils sont plus ou moins, ils baignent dedans, là. En fait, il y a ceux, effectivement, qui naissent avec l'écran, avec la tablette, et dans ce cas-ci, ben, ça sera de leur apprendre ce qu'il y a derrière la machine aussi, ça sera de leur apprendre à développer d'autres usages de la machine, mais évidemment, chaque génération, actuellement, est une clientèle distincte et différente, où, dans le fond, pour les jeunes qui sont nés avec Internet, ben, pour eux, Internet est d'une part essentielle, très importante, plus importante que la génération qui l'a précédée, donc de voir un peu, effectivement, comment on va composer avec ces réalités-là, mais dans un contexte où c'est pas parce qu'on est avec un usage qu'on comprend nécessairement l'usage non plus. Donc, c'est toujours cette dichotomie-là de savoir utiliser n'est pas nécessairement un savoir-faire, une expertise, si on peut dire. Ouais. Donc, à ça, ce qu'on dit, c'est qu'il y aura peut-être des technologies qui seront à surveiller dans un horizon peut-être de 4-5 ans. Donc, par exemple, l'apparition de makerspace dans les écoles, donc d'ateliers numériques, de fabrication numérique, l'intégration de la robotique pédagogique qui est déjà en progression d'ailleurs. Évidemment, on parle de technologies analytique ou de réalité virtuelle dans les classes et dans un horizon un peu plus éloigné, ben, d'objets connectés ou encore d'intelligence artificielle qui pourront également s'y retrouver. Il doit être question de culture d'entreprise aussi, puisque les mentalités doivent changer au niveau des organisations. Oui, et en fait, on a l'impression que l'idée de créer une culture d'innovation à l'intérieur de l'entreprise devient de plus en plus importante. Il y a eu une conférence de Simon Devin de JSoft, en fait, une entreprise de Montréal qui est en train de se faire une belle place, et qui disait, regardez, de plus en plus chez nous, on cherche moins le savoir-faire que le savoir-être. Et qu'on se met dans une posture où l'entreprise doit être un milieu de travail agréable pour l'employé. L'employé doit pouvoir s'y trouver une place, doit pouvoir sentir qu'il est chez lui, à l'égal de sa maison, si l'on peut dire. Donc, dans la mesure où, comme le conférencier disait, on passe la majorité de notre journée au travail. Donc, si on part au travail avec l'esprit un peu déprimé, qu'on s'en va s'enfermer dans des lieux gris, sans âme et le reste, ben la motivation sera pas là, et donc on sera pas nécessairement en mesure d'innover. Ce sera pas tout le monde qui va être en mesure de le faire. Donc, si on va dans un bureau où on sait que l'ambiance est agréable, qu'on rentre et il y a un bar à café, où on va servir un café, jaser un peu avec les autres avant de commencer sa journée, ça devient intéressant. Il dit en plus que dans le contexte de favoriser la discussion entre les employés, entre employés et patrons qui partagent cet espace-là, ben c'est peut-être là que les idées qui vont façonner l'entreprise demain vont naître. Donc, il faut favoriser les échanges. Il faut favoriser une diversité de lieux. Il faut travailler peut-être à moins faire sentir la hiérarchie. Lui disait que dans son entreprise, il n'y avait pas de gros bureau pour la direction avec plein de fenêtres. Tout le monde avait un bureau de la même taille. Donc, parce que tout le monde travaillait de concert, dans le fond, dans ses responsabilités pour amener l'entreprise un peu plus loin. Donc, plein d'éléments comme ça inspire un peu les tendances à la Silicon Valley, où on réinvente complètement, dans le fond, la nature des espaces de travail, et où on dit qu'à travers cette nouvelle culture d'entreprise-là, ben on va être justement en mesure de mieux stimuler la culture d'innovation qui est nécessaire à l'évolution de l'entreprise au Québec comme ailleurs, et en estimant que, justement, l'étape où on en est, peut-être que les nouvelles inventions, et ça, c'est la formule de Devin, donc le conférencier, donc le modèle traditionnel n'arrivera peut-être pas à faire face aux nouvelles inventions qui sont nécessaires, parce que, dans le fond, comme le modèle n'est pas adapté à l'époque actuelle, il ne sera pas nécessairement en mesure d'apporter les réponses dont on a besoin à l'époque actuelle. Vous avez parlé des organisations qui prennent le virage 4.0. Est-ce qu'il y a des exemples au Québec d'entreprises qui ont bien fait ce oui, virage? Oui, en fait, il y en a plusieurs, en fait, qui sont en plein virage ou qui ont bien fait ce virage. LeadArtech, notamment, du côté de la rive sud, MubSearcher également, la maison Simons, qui était sur place pour témoigner de cette évolution-là également, le groupe Optel, donc plusieurs organisations qui sont vraiment dans l'intégration de nouvelles approches ou dans le développement de nouvelles technologies. Dans le cas de LeadArtech, cette technologie va peut-être en arriver à révolutionner les véhicules autonomes, la conduite autonome. Donc, c'est des entreprises phares pour la région. Alors, ils étaient sur place également pour témoigner qu'un tel virage est possible, peu importe le domaine ou la taille de l'entreprise, finalement. Donc, c'était les travaux à l'AGIC 2017 au Centre des congrès de Québec. Merci beaucoup, Raymond. Ça fait plaisir. Raymond Poirier, notre chroniqueur des affaires numériques.